vivant, transparent. Je dois être mort depuis le temps. Pourquoi tu mens? Quelle année sommes-nous au fond? Ajoutez-lui une dent. Confiné dans un bocal. Pourtant je te vois là dehors. Tes mains absorbent-moi encore. L'empathie du jour, soyeusement devant moi, j'ai couronné d'amour. Mais vivant transparent, je dois. Je dois être mort depuis le temps. Pourquoi tu mens? Mais quelle année sommes-nous? Confiné dans un bocal. Pourtant je te vois là dehors. Tes mains mais absorbe-moi encore. À l'empathie du jour, soyeusement devant moi, J'ai couronné l'amour. Vivant, transparent. Vivant, transparent. Ouais, c'est parti. Pense que tu es grand, que tu es intéressant, que ta vie était le chemin à prendre, que ta vie était le chemin à suivre, à recopier tes parents comme leurs parents, et ainsi recopier les erreurs, et ainsi faire semblant. Paraître, toujours paraître, faire semblant. Jouer le jeu de l'humain abruti qui n'a pas réfléchi. Ainsi continuer pour ne pas être à l'écart, pour avoir toujours ses vivres abrutis. Ainsi sa conscience fabriquer encore et encore du silence, encore et encore du silence. Silence, du silence, encore du silence, fabriquer encore du silence. Impatient, imprudent, prends ton temps, émouvant, espérant les gens méchants. Allez.